L'éclair. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'éclair, par Auguste Breuil. Comédie en un acte et en vers, imité de Mulner. Personnage: Henri. Louise, un commissionnaire. Le théâtre représente une salle d'hôtel garnie, porte principale au fond, deux portes latérales. Sur la porte latérale de gauche, on lit le numéro 1, et sur celle de droite, le numéro 2. Scène première. Henri seul. Monsieur l'hôte de l'ours, ne perdez point vos pas. Non, à tous vos discours, je ne me rendrai pas. C'est un parti bien pris, quand même d'aventure, il vous arriverait 10 dames en voiture. J'occupe cette chambre et la trouve à mon gré. Comme gens de Paris, ma foi, j'y resterai. Il arrive sur le devant de la scène. Un tel langage est clair et français, j'imagine. Si cette vieille dame à louis encore fine, elle se hâtera de quitter l'ours royal pour aller se loger dans un autre animal. Imitant une voix de femme. Monsieur l'hôte de l'ours, accordez-moi par grâce la chambre d'où l'on peut regarder sur la place. Parbleu, que ne fais-tu pour sortir d'embarras sur cette place même arrêter ton cabas? Il vaut par sa largeur une maison entière, et pour voir, tu mettras le nez à la portière. Mais quoi? J'entends du bruit. On monte l'escalier. C'est elle, j'en suis sûr, qui vient me supplier. Tenons ferme devant cette vieille sibylle. Elle va me trouver inflexible, immobile. Je lui tourne le dos, j'ai le ton cavalier, et je reste où je suis, au numéro premier. Il se met auprès de la porte du numéro 1, puis, campé fièrement sur la hanche gauche, les bras croisés, il est placé de manière à tourner le dos, pendant toute la scène qui suit, à la jeune dame, son interlocutrice. Scène 2. Henri, Louise, en costume de voyage. Quelques instants après, survient un commissionnaire qui porte sous le bras plusieurs cartons ou boîtes, un parapluie, un chapeau de femme d'ancienne mode, et qui reste dans le fond du théâtre contre la porte d'entrée. Louise. Monsieur... Henri, à part. Nous y voilà. C'est l'assaut qui commence. Est-ce vous, monsieur, qui... Elle s'interrompt en voyant Henri mettre la main sur la clé du numéro 1. Henri, à part. Si je n'ai la prudence de fermer cette porte, elle peut brusquement, par une irruption, forcer mon logement. Il met la clé dans sa poche, et Louise, remarquant cette manœuvre, fait un mouvement de dépit. Peut-être vous pensiez que j'avais par caprice réclamé de vos droits le léger sacrifice. J'ai voulu poliment, monsieur, vous détromper. Cette chambre, je tiens beaucoup à l'occuper. Henri, qui a repris sa posture. J'y tiens beaucoup aussi. Croyez que je regrette une nécessité qui me rend indiscrète. Mais des appartements donnant sur le marché, celui-là seul est libre. Ah, j'en suis bien fâché. Quoi, monsieur, vous pourriez malgré... Cela me peine, mais je reste où je suis. Si ma prière est vaine, je me résigne. Au moins, puis-je savoir pourquoi, lorsque je suis poli, on ne l'est pas pour moi? On ne loge pas seul, puisqu'il faut qu'on s'explique. Mon oncle aime l'aspect de la place publique. Il aime la parade et le bruit des tambours, des charlatans barbus au burlesque discours. Il aime... Alors, monsieur, voudriez-vous lui dire combien de mon côté vivement je désire... Je ne puis. Pourquoi donc? Il vient de s'absenter. Très bien. Mais au dehors, doit-il longtemps rester? Ah, parbleu, c'est trop fort. Coupons court à l'antienne. Madame, il est sorti jusqu'à ce qu'il revienne. Impertinent! S'adressant au commissionnaire. Entrez dans le numéro 2. À Henri. Je vous laisse en repos et vous fais mes adieux. Mais je veux en partant voir si votre figure de l'enseigne du lieu rappelle la peinture. Elle s'approche d'Henri pour le regarder. Madame! Il aperçoit Louise qui s'enfuit aussitôt et entre au numéro 2. Scène 3. Ah, qu'ai-je vu? Quelle fâcheuse erreur! Un ange de 20 ans, un visage enchanteur. Moi qui croyais parler à cette tête antique que du fiacre encadrait la portière gothique. Triple sot que je suis, malhonnête, brutal. Mais songeons maintenant à réparer le mal. Je lui cède ma chambre, et quand même à cette heure l'hôtel ne m'offrirait qu'un grenier pour demeure, quand je n'aurais pour lit qu'un plancher raboteux, du sacrifice encore mon cœur serait joyeux. Il frappe légèrement au numéro 2. Mademoiselle. Scène 4. Henri, Louise, qui a retiré son châle et son chapeau. Eh bien? Pardon, Je vous invite à prendre sans délai la chambre que je quitte. » Louise, sèchement. « Non, je reste où je suis. » Pour vaincre ce refus, je vous dirai... « Monsieur, mais vous n'y pensez plus? Votre oncle aime le bruit, les tambours et les armes, et pour lui la parade a d'ineffables charmes. » « Hélas, vous me raillez, et bien cruellement. Mon oncle m'a laissé le choix du logement. Loin d'aimer le tapage, il recherche un asile où l'on puisse le jour lire ou rêver tranquille. Mon oncle approuvera l'offre que je vous fais. » « Qu'il y souscrive ou non, peu m'importe, et jamais... » « Mais vous l'obligeriez, croyez-moi. Sur ma vie, je n'ai de l'obliger, monsieur, aucune envie. » « Ma chambre est si commode. » « Eh bien, tant mieux pour vous. » « Une très grande armoire, un lit large et très doux. » « L'armoire ne serait pour moi d'aucun usage. Je ne veux pas ouvrir mes caisses de voyage. » « Tous les meubles sont neufs. » « Voyez quel agrément. Toujours les meubles neufs craquent horriblement. » « On respire un air frais et pur. » « Cela peut être, mais ma tante s'obstine à fermer sa fenêtre. » « Que je serais heureux si... » Louise, vivement. « Moi, je voudrais bien que vous me missiez un terme à ce long entretien. » « Puis-je vous décider par un motif suprême ? J'abandonne ces lieux et je pars ce soir même. » « Le projet me ravit. Allons, partez ce soir. Bon voyage. Au plaisir de ne pas vous revoir. » « Mais je vous prie, enfin... » « Singulière insistance. Je vous priais aussi, je crois, avec instance, et pourtant... » « Ah, monsieur, j'aimerais mieux mourir que d'accepter le don que vous venez m'offrir. » Elle sort brusquement par la porte du fond. Scène 5. Henri, seul. Allons, je suis battu, sa victoire est complète. Comme dans son dépit, elle m'a tenu tête. Sans trêve et sans pitié, l'ingrate me raillait. Plus j'étais suppliant, plus elle m'accablait. Des femmes, voilà bien l'ordinaire conduite. La contradiction sur leurs lèvres habite, et ce vilain défaut, fruit de la vanité, chez une femme belle, est encore augmenté. Sur ma foi, cette scène offre un triste présage au moment où je pense à me mettre en ménage. D'avance et sans effort, je connais mon destin. Pimpant, le cœur joyeux, j'épouse un beau matin quelque naïf enfant de vertu rayonnante, un ange de douceur que partout on me vante. La paix et l'union règnent durant 6 mois, puis, madame, au mépris des conjugales lois, se mutine, s'irrite et devient intraitable. L'ange tombé du ciel a les griffes du diable. Que faire alors? Parler comme un prédicateur? Mais le sermon ne peut se passer d'auditeur. Or, la chose est notoire. Une femme en silence entend les compliments, jamais la remontrance. Par des pleurs, par des cris, laissez-vous donc fléchir. Les maris sont perdus s'ils ne savent agir. Dans la guerre et l'hymen, les discours sont frivoles. Il faut des actions et non pas des paroles. Il s'avance vivement sur la scène. Des actions! Ce mot m'illumine soudain. La belle a refusé ma chambre avec dédain. Morbleu, bon gré, mal gré, je prétends qu'elle y vienne. Il ouvre le numéro 2 et en examine l'intérieur. Sa chambre, je le vois, offre ainsi que la mienne une porte du fond dont je puis profiter quand du champ de bataille il faudra déserter. Il entre au numéro 2 et revient aussitôt avec les cartons et autres objets que portait tout à l'heure le commissionnaire. Il a pris également le chapeau et le châle quittés par Louise. Transporter ces cartons n'est pas fort difficile. Il entre au numéro 1, après en avoir ouvert la porte avec la clé restée dans sa poche. Il reparaît bientôt, portant un petit porte-manteau et traînant une grosse valise. Après avoir placé ses objets dans le numéro 2, il revient et dit « C'est fini. Changement forcé de domicile. Elle pourra crier, mais il sera trop tard. » Montrant le numéro 1. « Vous logerez ici, ma chère, ou nulle part. » Elle monte. Sa tante est sans doute avec elle. « Moi ?» Je vais m'éclipser et prendre la venelle, puis par des questions faites adroitement, sur le couple obtenir quelques renseignements. Il entre dans le numéro 2, après avoir eu le soin d'en retirer la clé. Il ferme ensuite intérieurement la porte, en la poussant avec force. Scène 6. Louise, entrant doucement par la porte du fond. Personne. Renfermé dans sa chambre, il m'évite. Je regrette qu'il ait pris son parti si vite. Car un certain remords maintenant me poursuit. Au fait, qui de nous deux s'est le plus mal conduit? Avec grossièreté, certes, il m'a reçu, mais quand? C'était avant de m'avoir aperçu. À peine sur mes traits a-t-il jeté les yeux que, semblable au soleil qui perce un ciel brumeux, sur sa bouche aussitôt éclate le sourire. Ah, le visage ainsi doit s'animer et luire quand, nous étant forgés quelque triste tableau, à la place du laid nous rencontrons le beau. Quelle métamorphose étonnante, admirable! Un homme était brutal, il devient doux, affable, sa volonté fléchit sous un regard vainqueur. et ce qu'il refusait, il l'offre de bon cœur. Que l'aspect d'une femme ait autant de puissance et de bonne raison tout à coup la dispense, vraiment cela me plaît et me rassure un peu, lorsqu'au doux célibat, il me faut dire adieu. Un mari, nous dit-on, est chez lui chef et maître. Le code est positif, et l'on doit s'y soumettre, c'est juste. Mais je sais qu'aujourd'hui, sourdement, la liberté se glisse en tout gouvernement, et, pour réaliser l'équilibre où j'aspire, je saurai conserver une part de l'empire. À ces choses plus tôt que n'ai-je pu songer. Je crois qu'en ce moment, si ce jeune étranger m'offrait encore sa chambre, eh bien... Scène 7. Louise, Henri, entrant vivement par la porte du fond. Mademoiselle, voulez-vous accepter ma très humble tutelle ? En ai-je besoin ? Oui, la tante a déserté. Où cela ? Dans le camp de l'oncle. Louise, avec un étonnement marqué. En vérité ? Oh, la désertion, je vous jure, est constante. Pour me plaindre de vous, j'ai cherché votre tante. Pendant que j'attendais l'instant de l'entretien et que la bonne dame, en caressant son chien, surveillait le transport d'un coffre hyperbolique, tout à coup, hors d'haleine, accourt un domestique. Quand il a mesuré l'équipage des yeux, « Ce fiacre conduisait madame dans ces lieux ?» dit-il à votre tante. « Oui, pourquoi ? » répond-elle. « Madame, pardonnez si je vous interpelle. Par l'ordre d'un monsieur chez mon maître venu, j'ai dû guetter ce fiacre et, l'ayant reconnu, savoir en quel hôtel finissait son voyage. J'ai couru comme un basque et je suis tout en nage. » Votre tante, à ces mots, demande au messager un sommaire portrait du monsieur étranger. C'est un vieillard replet, sa face est rubiconde. Elle remonte alors, sans perdre une seconde, dans le grand fiacre vert et, pour quelques instants, recommande sa nièce à mes soins bienveillants. Ce récit animé par sa clarté me frappe. Je vois bien les acteurs, mais votre oncle m'échappe. Mon oncle ? Quel est-il ? C'est le vieillard replet. Je vous demanderai la preuve, s'il vous plaît. La preuve ? Volontiers. Fidèle à son usage, mon oncle n'a jamais d'argent dans son bagage. Descendu de voiture, il court chez le banquier qui transforme en écu un commode papier. Ce Rothschild de l'endroit s'appelle Albert Delambre, et notre homme au message est son valet de chambre. Ainsi, j'en puis juger par ses faits transparents. D'un ton enjoué, l'oncle connaît la tante et... nous sommes parents. Ce serait singulier. Non, car une querelle entre parents, dit-on, est chose habituelle. Louise, se tournant vivement vers lui. Seriez-vous... Hein, plaît-il, je... Louise, à part. Sans réflexion, j'allais lui demander... Cette indiscrétion conviendrait au commis d'un bureau de voiture. Mais que moi... Vous disiez... Oh, rien, je vous assure. À part. Lui demander son nom, ce serait m'obliger à décliner le mien. Et quand un étranger, un jeune homme surtout, pénètre ce mystère, on regrette souvent de n'avoir su se taire. On est à sa merci. Henri, à part. Quel étrange embarras. Oh. J'attends la question que vous n'achevez pas. Pardonnez-moi, monsieur. Aisément on oublie. Que voulais-je donc dire ? Ah, je vous en supplie, veuillez chercher. Eh bien, je désirais savoir pourquoi ce logement, objet de mon espoir, tout à l'heure pour vous avait tant d'importance. Mais si quelque secret vous oblige au silence, je n'insisterai pas. Un secret, nullement. Sur le marché voisin donne ce logement, et quand le locataire aux fenêtres se place, il a le pigeon d'or précisément en face. Louise, l'interrompant avec intérêt. Ah ! L'hôtel du pigeon, ce maudit pigeon d'or vers le diable eût bien dû prendre aujourd'hui l'essor. Mais que vous a-t-il fait ? Rien. Et pourtant je tremble. La crainte et le désir m'agitent tout ensemble lorsque je le regarde. Louise, avec un intérêt croissant. Allons, expliquez-vous. Au-dessus du pigeon, emblème pur et doux, ma femme ce matin ouvrant une fenêtre. Louise, l'interrompant, et avec une surprise de désappointement. Votre femme ? Elle-même à mes yeux doit paraître. Seriez-vous marié depuis longtemps ? Hélas, c'est un hymen unique et comme on n'en voit pas. Sa très courte durée à peine est saisissable, cependant il me pèse, il m'est insupportable. Louise, à part. Non, non, ce n'est point lui. Pour son étrangeté, le fait veut en détail être ici raconté. Mon oncle doit laisser un immense héritage. Après que j'eus perdu mes parents en bas âge, il voulut adopter le petit orphelin. Là n'est pas le malheur, mais attendez la fin. J'atteignais mes 20 ans dans le calme et l'étude, l'amour n'ayant jamais troublé ma solitude, lorsque mon oncle, un jour, entamant l'entretien, me dit « Mon cher Henri, c'est mon nom. » Louise, avec un retour d'étonnement et d'intérêt. « Ah, fort bien !»« Mon Henri, si pour moi tu sens quelque tendresse, si tu veux embellir les jours de ma vieillesse, épouse aveuglément la femme de mon choix. » Ah, le frisson me prit jusqu'au bout des doigts. Des oncles, on connaît l'engouement ridicule. Mais le mien, désireux de vaincre mon scrupule, m'affirma, par serment sur son honneur prêté, que ma future était une rare beauté. Cela fit un peu trêve à ma frayeur mortelle, et je promis de voir la jeune demoiselle. « Et vous avez trouvé ?»« Rien. » Louise, à part, « C'est fort singulier. » Mon oncle, quoique né dans le siècle dernier, n'adopte en fait d'amour que le nouveau système. Les longueurs sont pour lui l'absurdité suprême. Ne pouvant concevoir le tortueux chemin que l'on fait du salut au baiser sur la main, il veut que vers l'hymen la course soit rapide, et qu'un premier regard de notre choix décide. « Quelques jours, me dit-il, j'offre à tes yeux surpris celle dont j'ai voulu que tu fusses épris. L'éclair fascinateur frappe, brûle ton âme, et te voilà l'époux d'une adorable femme. » Alors, par ce projet, mon cher oncle exalté me peignit les attraits de sa divinité. Bref, il fut convenu que si cette tactique me rendait amoureux par secousse électrique, et si la belle était favorable à mes vœux, un prêtre sans retard consacrerait nos nœuds. Dès ce moment, je suis marié. « Quoi ? D'avance, votre femme était là pour que l'expérience... » Henri, interrompant vivement et se frappant le front. « Elle est ici ! Ses traits nobles et gracieux occupent mon esprit sans cesse, en tous les lieux. Vous ne pouvez savoir combien cette conquête qui me charmait hier, aujourd'hui m'inquiète. » « Je ne vous comprends plus. Enfin, que craignez-vous ? » Les chaînes qu'une femme impose à son époux. La beauté dans son piège aisément nous attire. Un serrement de main, un regard, un sourire, tel que celui qu'on voit sur vos lèvres flotter, tout captive le cœur. Il ne peut résister. Et le mien est si faible. » Louise, à part, « Ah, cet aveu sincère prévient en sa faveur. » Cela me désespère, car il faut qu'un mari gouverne sa maison. Que faire quand une dame est sourde à la raison ? On s'esquive sans bruit, et d'un pas tout tranquille, on va jusqu'au dîner se promener en ville. Le visage riant, à table on vient s'asseoir, et les torts du matin sont oubliés le soir. La femme, que fait-elle avec votre système ? Ce qu'elle a toujours fait, mon Dieu. Quoi donc ? Elle aime. Et de qui tenez-vous cet art modérateur ? De ma tante, monsieur. J'en admire l'auteur, mais il est bien des cas où l'époux qu'on offense ne pourrait promener sa juste impatience. Me conseillera-t-on de prendre le grand air quand un jeune lion de sa moustache fière, venant dans mon salon se poser en intime, tentera d'usurper ma place légitime quand... Louise, vivement. Permettez, monsieur, mon code conjugal omet les cas prévus par le code pénal. D'ailleurs, pourquoi sans fruit vous troublez la cervelle, tandis que nul péril encore ne se révèle ? Oui, je le sens, j'ai tort. Comme en réalité, je suis toujours garçon et que ma liberté... Louise, vivement. Comment ? Vous n'êtes pas... Pourtant, votre langage me semblait indiquer un récent mariage. Je n'ai même pas vu ma future et j'attends. À part, à voir l'expression de ses yeux éclatants, on dirait que l'aveu pour elle est agréable. Louise, à part. Oh, c'est lui, j'en suis sûre. Henri, à part. Elle est belle, adorable. Louise, à part. Mon cœur me dit tout bas que je pourrais l'aimer. Henri, à part. Mon oncle, en la voyant, se laisserait charmer. Louise, à part. Tout doit être éclairci par son nom de famille. Si... Henri, à part. Quand cette beauté dans une femme brille, pour un peu de caprice, il faut être indulgent. Louise, à part. Deux mots et je saurai. Mais en l'interrogeant, j'ai peur de découvrir que je me suis trompée. Henri, à part. De quoi, dans ce moment, peut-elle être occupée ? Oh ! Mademoiselle ! Eh bien ? On entend le cartel suspendu au-dessus de la porte du fond sonner midi. Que je serais joyeux si vous logiez en face. Au pigeon ? Henri, montrant le cartel. En ces lieux, midi vient de sonner, et c'est l'heure critique où mon cœur... Louise, riant. Ah ! Je sais ! À part. L'idée est drôlatique, dirait un romancier maintenant en renom. Comme au palais royal le docile canon dans le milieu du jour exactement résonne, son cœur doit s'enflammer alors que midi sonne. Oh ! Et de l'heure, monsieur, qui vous a mis au fait ? Veuillez lire avec moi ce fragment de billet que l'oncle de sa poche a laissé choir, sans doute, et que moi, j'ai trouvé voltigeant sur la route. Il montre le billet et lit. Si rien ne s'y oppose, je compte partir demain. Louise, à part, et après avoir jeté les yeux sur le billet. C'est la main de ma tante ! Henri, continuant la lecture, avec ma nièce, nous nous rendrons au Pigeon d'Or à midi pour qu'Henri puisse nous apercevoir. Mais avant cette heure, je serai bien aise de te parler seule. Oh, le fait est constant. Ma future au pigeon me guette en cet instant. Malencontreux pigeon, combien je te déteste. Va, tu n'es qu'un oiseau de présage funeste. Tranquillisez-vous donc. Jamais, en vérité, jour ne fut plus propice à la tranquillité. Le pigeon contre qui votre courroux s'emporte, pour aucun voyageur n'ouvre aujourd'hui sa porte. Comment ? Ma tante et moi, nous devions y loger, mais il est envahi par un prince étranger, un hospodard, dit-on, qui mène un train splendide, et l'hôtel n'a pas même une mansarde vide. Et quand cela serait ? Banni du pigeon d'or, on peut se faire ouvrir 10 auberges encore. Oui, quel que soit l'asile où se cache la belle, mon oncle, j'en suis sûr, arrivera près d'elle. Eh bien alors ? Alors ? Le nuage se fend, et peut-être en sort-il cet éclair triomphant qui doit... Henri, vivement. Mais cet éclair, il a frappé mon âme. Où ? Comment ? De vos yeux, il est parti, madame. Si le premier regard est l'oracle certain qui doit fixer pour moi le conjugal destin, je n'ai point à chercher un séduisant visage, car l'oracle a parlé. C'est à vous qu'il m'engage. Monsieur, dites, je sens l'honneur de votre choix, mais le devoir me fait entendre aussi sa voix, et je suis fiancée. Oh, ce n'est pas possible. Vous me raillez encore. Votre cœur inflexible... Non, je ne raille point. Quel contre-temps fatal! Voyons, est-il trop tard pour conjurer le mal? Vous êtes fiancée, et moi-même, peu sage, j'acceptais les liens d'un demi-mariage. Tous deux, nous avons fait la moitié du chemin. Touchons le but ensemble en nous donnant la main. Et votre oncle, monsieur, songez qu'il faut lui plaire? Il serait irrité. Henri, vivement. Qu'importe sa colère? Je n'ai pas de fortune. Hé, j'en aurai pour deux. J'ai, je vous en préviens, des caprices. Tant mieux. À ce léger défaut, si vous n'étiez sujette, l'esprit et la beauté vous rendraient trop parfaite. Quelquefois, je me fâche et j'ai le ton méchant. Mais vous êtes encore charmante en vous fâchant. Je vous connais à peine et je pourrais peut-être... Henri, vivement. Vous m'avez vu, je pense, assez pour me connaître. Je ne suis pas douée d'un mérite éclatant, mais le peu que je vaux se découvre à l'instant. Puis-je donc espérer ? Lorsque viendra ma tante, nous reprendrons, monsieur, cette affaire importante. Elle veut entrer au numéro 2 et témoigne son impatience en la voyant fermée. Qu'est-ce donc ? Je ne puis ouvrir mon logement. Qui l'a fermé, monsieur ? Répondez-moi. Comment ? Henri, embarrassé. Mademoiselle. Eh bien ? C'est que... Louise, avec dépit. Parlez plus vite. Henri, timidement et en montrant le numéro 1. Au numéro premier, mademoiselle habite. Louise, avec explosion. Au numéro premier ? Oui, je... À part, quel embarras. Oh ? J'ai cru, certainement... Assez, n'achevez pas. Malgré ma volonté nettement exprimée, vous pensiez qu'en voyant cette chambre fermée, je me déciderais à prendre l'autre ? Eh bien, vous raisonniez fort mal, et je n'en ferai rien. Henri, très timidement. Il faut me pardonner ma conduite indiscrète. J'avais, vous le savez, le mariage en tête. Il me semblait qu'en vous, ma femme vint s'offrir et... Je voulais un peu m'exercer, m'aguerrir. À merveille, monsieur, l'excuse est admirable. Je suis au moins sincère en m'avouant coupable. Montrant le numéro 1. Si vous vouliez entrer... Louise, montrant le numéro 2. Rentrez, assurément. Donnez-moi donc la clé de mon appartement. Henri, avec hésitation. La clé ? La clé. Ce mot à comprendre est facile. Henri, faisant mine de chercher avec empressement. Je fais pour la trouver un effort inutile. À part et continuant le même jeu. Hélas, que dira-t-elle après avoir ouvert du déménagement aussitôt découvert ? Le vent souffle déjà, mais gare à la tempête. Pour la troisième fois enfin, je vous répète que je veux cette clé. Puisqu'il faut obéir, la voici. Il la lui présente, mais elle fait avec la main un mouvement de refus. Ce n'est point à moi qu'il s'y est d'ouvrir. On doit toujours, je crois, récolter ce qu'on sème. Vous avez clos la porte ? Ouvrez-la donc vous-même. Henri ouvre la porte en tremblant. Louise entre au numéro 2 et en sort presque aussitôt. C'est indigne, monsieur. Quoi ? Vos porte-manteaux de cet appartement salissent les carreaux. L'insupportable odeur que tout ce cuir dégage, les repoussants objets. Où donc est mon bagage ? Au numéro 1er. Louise, après avoir ouvert la porte du numéro 1. C'est encore plus affreux. Regardez ce désordre et soyez-en honteux. Vous ne répondez pas ? Henri, à part. L'occasion est bonne pour qu'à la patience un mari se façonne. Regardez mes cartons qui, posés à l'envers, grimacent, déformés après 20 chocs d'hiver. Ce chandelier coiffé de mon chapeau de paille et ce vieux parapluie éborgnant la muraille. Je ne vous conçois pas, monsieur, vous êtes fou. Vite, allons, tout cela doit sortir de ce trou. » Elle entre au numéro 1 et revient avec un carton et un parapluie. Elle traverse rapidement la scène pour entrer au numéro 2, dans l'intérieur duquel elle trébuche contre le petit porte-manteau. De l'intérieur, « Hors d'ici, maudit sac !» Le petit porte-manteau, lancé de l'intérieur, tombe sur la scène. Louise reparaît traînant la grosse valise qu'elle laisse tomber au pied de Henri. « Placez à votre guise ce ballot décoré du beau nom de valise. » Elle rentre au numéro 2. Henri, à part et en riant, « C'est un lutin femelle, un diable en vérité, mais elle a de la verve. » Louise, reparaissant, « Ah, j'ai tout exporté. Ma chambre est libre, enfin. Maintenant, je vous quitte. Tandis qu'à l'hôtelier, je vais rendre visite et chercher un vinaigre ou quelque eau de senteur qui de ces vilains cuirs puisse chasser l'odeur, vous, monsieur, méritez d'obtenir votre grâce et rangez au plus tôt mes effets à leur place. D'abord, par son ruban, suspendez mon chapeau à ce grand clou doré brillant sur le trumeau. Ensuite, déployez mon châle sur la bergère. En rangeant mes cartons, ayez la main légère. Et sachez éviter, pour qu'on ne gronde plus, de prendre étourdiment le fond pour le dessus. Au reste, à vous aider, vous me trouverez prête. Nous finirons tous deux la besogne incomplète, car, si vous n'êtes pas encore mon époux, vous êtes mon ami. Je cours. Dépêchez-vous. » Elle sort par la porte du fond. Scène 8. Oui, pour ne pas aimer, adorer cette femme, il faut n'avoir point d'yeux, point d'oreilles, point d'âme. Agile comme un sylphe et vivant son humeur, comme le vin mousseux, champenoise liqueur, elle est pourtant, je crois, affectueuse et bonne. Je serai trop heureux que le ciel me la donne, et si dans le ménage elle veut commander, une fois par semaine on pourra lui céder. En ce monde le bien avec le mal s'allie. Voyons, qu'est-ce après tout qu'une femme jolie? On l'a dit avant moi, c'est un mal séduisant. Mais mon oncle, comment le fléchir à présent? D'avance je prévois son interrogatoire. Quelle est, me dira-t-il, cette galante histoire? Ce chef-d'œuvre de grâce à l'auberge trouvée, de quel point cardinal nous est-il arrivé? Son berceau fut à Brest ou bien à Pamplune? Son nom, le connais-tu? Son rang et sa fortune? Voilà les questions dont il m'accablera, et comme le ténor de certains opéras, je répondrai toujours, sans varier mon thème. Hélas, je ne sais rien, mon oncle, mais je l'aime. Ce refrain romantique aura peu de succès. Alors, à ma sottise, il fait un long procès. Il m'accuse d'avoir oublié la promesse qui, pour une autre femme, engageait ma tendresse. Il me traite d'ingrat, moi qui lui dois mon sort. Comment mettre l'amour et l'amitié d'accord? Mais j'y pense. Tandis qu'un tel sujet m'agite, je n'ai pas commencé la besogne prescrite. Mon zèle, cependant, veut se faire applaudir. Le mouvement, d'ailleurs, est bon pour m'étourdir. Il entre au numéro 1. Scène 9. Louise. Elle entre doucement par la porte du fond, tenant à la main un flacon d'eau de Cologne. Elle prête l'oreille au bruit qu'elle entend dans le numéro 1. M'obéit-il? Sans doute. Il s'est mis à l'ouvrage. Ma tante me l'a dit. Le parfum du mariage, c'est la docilité que montre le mari. Je pourrai, je le vois, m'entendre avec Henri. N'a-t-il pas supporté ma bourrade en silence? Ah, je lui sais bon gré de tant de patience. Pauvre garçon, vraiment, c'est joué de malheur. L'avant-goût de l'hymen pour d'autres est flatteur. Lui, dès le premier pas, savoure une dispute. Par le sort du mari, le fiancé débute. Allons, dans l'avenir, s'il est bon, sage, aimant, sa femme lui doit bien un dédommagement. Montrant le numéro 2, je vais l'attendre là. Elle entre au numéro 2. Scène 10. Henri. Il sort du numéro 1, portant une pyramide formée de cartons et de boîtes. Il est coiffé d'une énorme capote de soie verte appartenant à la tante de Louise. Il a suspendu le chapeau de Louise à son bras droit et il porte le châle sur son bras gauche. En avançant sur la scène, son pied heurte la grosse valise, la pyramide s'écroule et une quantité de lettres s'échappe d'un petit carton. Maladresse maudite! Je prends tout à la fois pour en finir plus vite et zeste, en un moment l'édifice est détruit. Si ma voisine vient, nous aurons un beau bruit. Il se débarrasse du châle, du chapeau de Louise, et enfin, il ôte le chapeau de la tante. Commençons par ôter ce chapeau de la tante, monument de la mode en l'an 1830. Apercevant les lettres éparses sur le plancher. Que de lettres, bon Dieu! Ce papier voyageur suffirait à remplir la boîte d'un facteur. De les remettre en place, il faut que je m'empresse. On pourrait soupçonner, prenant une lettre au hasard et en regardant l'adresse. Qu'est-ce que cette adresse? Il me semble, voyons, à Madame Dormin. Mais de mon oncle ici, je reconnais la main. Il ouvre la lettre, puis voilà bien mon nom sur la première page. Ma foi, je n'y tiens plus, je lis ce griffonnage. » Il s'assied pour lire sur la grosse valise. Henri a le cœur d'un enfant, mais il a l'esprit d'un homme. Ce cher oncle de moi ne dit pas trop de mal. Louise et lui feraient un couple charmant. Je ne veux pas pour mon neveu une de ces femmes aux grands airs qui prodiguent leur argent en toilettes folles, courent les bals, les fêtes, et ne se plaisent que hors de leur maison. Une écervelée de ce genre ruinerait Henri et le rendrait malheureux. Ce qui lui convient, c'est une jeune fille simplement élevée, spirituelle, bonne. C'est bien dit, mais lisons le passage final. Notre jeune homme n'a jamais été amoureux. Mon dessein est de le placer tout à coup en présence de Louise. Et l'éclair éblouissant d'un premier regard, se levant et avec feu, « Oh, je tiens le secret !» Maintenant, plus de doute, cet éclair, ce billet ramassé sur la route, la tente, un messager, l'ours et le pigeon d'or, le numéro premier, puis 20 choses encore. Tout s'explique à mes yeux. C'est elle, ma voisine, quand ce jour fortuné mon oncle me destine. Scène 11. Henri, Louise, sortant du numéro 2, après avoir épié Henri par la porte entrouverte, depuis le commencement de la lecture de la lettre. Louise, affectant le mécontentement. « Voilà comme l'on est à mes ordres soumis. À se justifier, monsieur croit être admis, peut-être. Savez-vous ? » Henri, interrompant vivement. « Je sais que je vous aime, que depuis un moment mon bonheur est extrême. Je sais qu'au pigeon d'or vous avez dû venir. Je sais que vous pouvez demain m'appartenir. Monsieur. » Il ne sert point de jouer la surprise. « Ah, je n'ignore plus votre nom de Louise. Ce nom, je le trouvais déjà mélodieux. » Mais porté par vous-même, il est délicieux. Si mon oncle était là, que je lui ferais fête. On doit le réputer pour excellent prophète. Ne suis-je pas vaincu par l'éclair annoncé ? Seulement, à l'orage, il n'avait point pensé. Vous devez prendre garde et réfléchir. L'orage pourrait encore gronder durant le mariage. J'ai réfléchi. J'ai vu qu'après le mauvais temps, les rayons du soleil brillaient plus éclatants et que, sur votre front où la grâce réside, il ne pouvait passer qu'un nuage rapide. Oui, tenez, j'ai raison de vous parler ainsi, car ce front à mes yeux soudain s'est éclairci. Que de sérénité, de douceur le décor. Oh, Louise, à genoux un amant vous adore, mais pour se relever, il veut un nom plus doux. Louise, le relevant. Henri de Rosembert, mon mari, levez-vous. La toile tombe. Fin de L'éclair par Auguste Breuil, enregistré par Ezoa, en Belgique, en septembre 2008.